Rugby Club France Bleu Pays d'Auvergne. Mais avant, comme promis, le rendez-vous de la boucherie Ovalie, tous les lundis dorénavant, on va faire ce crochet extérieur, c'est-à-dire ce tour d'horizon de ce qui s'est passé en rugby sur tous les terrains avec Antoine Fontanel, Copareos. Bon Antoine, j'imagine que du fait du report du match entre Clermont et les Saracens, votre chronique elle est quelque peu décalée. En effet, j'ai bien compris que les Anglais ont tenté de me faire taire en s'organisant pour que la rencontre ait lieu pile en même temps que cette chronique. Mais c'est mal connaître la flexibilité de France Bleu Pays d'Auvergne qui ne recule devant rien, surtout pas devant 10 petits centimètres de neige. Ah, pas nous, non, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est pas ça qui va nous arrêter. On peut dire qu'il y a eu quelques rebondissements quand même hier soir. Ah, ça oui, il y en a eu des rebondissements, aussi prévisibles que ceux d'un ballon ovale d'ailleurs. Déjà, cette annonce de report qui a eu quelques heures avant le match alors que ça aurait pu être un peu plus anticipé. Ensuite, on a appris que la rencontre allait avoir lieu en début d'après-midi et à huis clos, avant que les Anglais ne décident seuls de placer cette rencontre à 18h30 et avec du public. Pourquoi ils font pas comme les autres ? C'est très simple, c'est parce qu'ils sont anglais, tout simplement. Et encore, à l'heure qu'il est, on est à la mi-temps là, on n'est pas à l'abri que le match soit à nouveau reporté parce que les couleurs du maillot de l'ASM se confondent beaucoup trop avec la neige. Ils pourraient reporter la deuxième mi-temps, allez savoir. Sinon, qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end européen, vous ? Ouais, si je devais retenir une seule chose de ces trois jours de week-end européen, c'est vraiment la belle image qu'ont envoyé les clubs français, leur homologue du vieux continent. Et bien sûr, par vieux continent, je veux dire le Royaume-Uni et l'Irlande, puisque le rugby européen se limite vraiment à ces deux pays. J'imagine que vous faites référence, Antoine, à la magnifique, superbe prestation de La Rochelle face au Wasp ou encore à la victoire de Montpellier à Glasgow. Ah non, pas du tout, non. Je parlais plutôt du coup de génie de Chris Ashton avec le RC Toulon, l'arrière anglais qui a effectué une merveille de passe au pied depuis son en-but pour Jonathan Joseph sur l'aile opposée. Problème, Joseph il joue pour Bass et il n'a plus qu'à aplatir. Un geste qui a montré dans toutes les écoles de rugby tout en précisant qu'il faut faire ce genre de passe à un joueur de sa propre équipe et si possible, faire ça dans le camp adverse et pas dans son en-but. Allez voir ça sur internet, c'est juste sublime. Bon, je vois ce que vous voulez dire. Heureusement, d'autres joueurs du top 14 ont réussi à redorer le blason du championnat français. Eh oui, tout à fait. Pour ça, on peut toujours compter sur Teddy Thomas qui nous a encore une fois montré tout le potentiel qu'il avait lors de la rencontre entre le Racing 92 et Castres. Puisqu'en début de match, après avoir effacé plusieurs défenseurs adverses alors qu'il filait vers l'essai, il a voulu aplatir entre les perches. Mais là aussi, problème, il y a un défenseur castré qui lui a fait perdre le ballon dans l'embut. C'est vrai, en même temps, bon, on peut le comprendre. Teddy Thomas, il a voulu assurer la transformation de cet essai. Ah, ça, on peut le comprendre, oui, quand on voit le taux de réussite des buteurs du Racing à la fin du match. Mais bon, on va pas trop s'acharner sur l'ailier français. Le match ne s'est pas non plus joué un essai près, quoi. Bon, en même temps, Castres a gagné 16-13. Ah, bon, quand même, on va dire que ce résultat n'a pas dû avoir beaucoup d'incidence sur le classement. Là encore, je peux me permettre, ils sont à la dernière place de la poule, le Racing, alors qu'une victoire leur aurait assuré d'être à un point du leader. Ah ouais, bon. Je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, on va demander à Teddy Thomas de faire un match comme à l'entraînement, c'est-à-dire arriver avec 2 heures de retard. Alors, vous vouliez aussi, Antoine, répondre à l'un de ces fameux courriers des lecteurs que l'on peut trouver dans le Midi Olympique. Eh oui, tout à fait. Notamment à ce message de Pascal qui m'a fait froid dans le dos, intitulé « J'ai peur ». Il nous livre un récit puissant et sans concession sur sa vision du rugby d'aujourd'hui. On y lit tout d'abord que le rugby est pour lui le dernier rempart à l'ignominie de ce monde qui est en train de se fissurer. C'est beau, hein ? Ah, c'est sublime. Ah, c'est magnifique. Ouais. Mais bon, je me permets quand même de relativiser ce constat en disant que depuis le titre du Racing en 2016, le rugby fait plus partie des choses qui fissurent ce monde que de celles qui peuvent encore le sauver. Et c'est pas la suite du message qui va améliorer la crédibilité de ses propos, puisqu'on y lit, je cite, que les en avant sont en arrière ou à hauteur et que les en arrière sont en avant. Ouais. Alors là, moi, personnellement, j'ai rien compris. Peut-être que la figure de style m'échappe, mais j'ai quand même plus l'impression que notre cher Pascal s'est laissé emporter par l'angoisse qu'il possède. Et j'ai bien peur qu'il se mette à parler de théorie du complot dans la suite de son texte. Alors, ça nous dit quoi, justement, la suite du texte? Eh ben, ça n'a pas raté. C'est même pire que ce que je croyais. Après le traditionnel passage sur les mêlées qui sont décidément plus qu'elles n'étaient, Pascal nous confie que la goutte qui a fait déborder son vase a été que Jacques Verdier, rédacteur en chef du Middle, annonce sa semi-retraite. Ah bon ? Pour résumer, on est face à une personne pour qui le rugby est le dernier espoir qui nous restait et que seul Jacques Verdier pouvait encore incarner cet espoir. On va donc croiser les doigts pour que cette semi-retraite soit un prétexte pour que Verdier se rende en Corée du Nord afin de calmer ce début de troisième guerre mondiale qui s'y prépare. Allez Antoine, avant de retourner à l'Allianz Park, deux mots sur l'adversaire actuel de l'ASM, hein, et le prochain d'ailleurs au Michelin, les Saracens. Et oui Jean-Luc, après une première confrontation qui a donc lieu en ce moment, ce sera au tour des Anglais de se rendre à Marcel Michelin ce dimanche avec j'espère pas trop de neige. Alors pour information, Saracens signifie en français sarrasin, terme employé pour qualifier soit soit le peuple ayant envahi l'Espagne au 8e siècle, soit un type de galette typique de Bretagne. Bref, deux endroits où le rugby n'existe pas vraiment. Et si on enlève la présence de Vannes en Pro D2, bien sûr. Et encore, les Bretons n'arrivent pas à atteindre les barrages de championnat, ce qui est incombe quand on s'appelle Vannes. J'espère que cette boutade aura au moins fait rire les quelques fans d'énergie hydroélectrique qui nous écoutent. Parce qu'il y en a des fans d'énergie hydroélectrique. Je pense pas. Sinon, qu'est-ce que ça donne, les Saracens, en termes de rugby ? Malgré ce nom peu rattaché à notre cher sport, cette équipe de Londres domine le rugby européen depuis quelques années, puisqu'elle n'a perdu en Champions Cup depuis deux ans qu'une fois. Elle n'a plus perdu en Champions Cup depuis deux ans, pardon, et une demi-finale perdue donc face à l'ASM. Les Saracens sont ensuite reportés deux championnats anglais de suite, en 2015 et 2016, mais ils ont raté le triplé en perdant finale contre les Indiens d'Exeter en mai dernier. Comme quoi, Indien vaut mieux que deux Tulora. Oh, c'est mignon ça. Puis ils ont aussi été les pionniers de la pelouse synthétique dans le rugby. Oui, les Saris se sont fait remarquer en devenant le premier club à disposer d'une pelouse synthétique dans son Allianz Park, afin d'éviter le report de rencontres durant la période hivernale. La preuve. Ouais, c'est une réussite, hein, quand on voit ce qui se passe depuis hier. Mais, car s'il suffisait de déneiger le terrain pour que le match ait lieu ce dimanche, il était impossible de garantir la sécurité des supporters faisant le trajet jusqu'au stade, au vu de l'état des routes. Un problème que ne risque pas de rencontrer le club de Yéna avec sa pelouse synthétique, puisque l'automobile n'existe pas encore. Vous êtes cruel. Mais vous avez le droit, vous, de dire ça. Ah oui, parce que moi, je suis du Jura. Et ben voilà. Le club de Yéna, c'est vraiment le club qu'on déteste. Ça, vous avez le droit. Allez, Saint-Claude. La boucherie Ovalie, avec le bouquin qui est en vente pour Noël, le tome 2, le deuxième. Bah oui, le tome 2. Rappelez-nous le titre. Le guide de survie au pays du rugby. Ah oui. La bonne idée cadeau quand on a quelqu'un qui aime bien le rugby dans la famille. C'est un magnifique livre. C'est un très beau livre. Un gros pavé. Je suis très bien placé pour dire que c'est un magnifique livre. Voilà. Je ne suis pas du tout en train de le vendre. Non, bah, du tout. Vous n'êtes pas du tout impliqué dedans non plus. Non, pas du tout. Non, mais blague à part, on en avait déjà parlé sur cette antenne. C'est vraiment un super ouvrage. En plus, il n'est pas très cher. Autour de 20 euros, je crois. Un peu plus, 29,90. Oh, c'est que dalle. Non, mais ce qui est une très très bonne idée cadeau. Merci Antoine, vous suivez évidemment la deuxième mi-temps avec nous. Bien sûr, je ne vais pas rater ça. Allez, on y retourne. France Bleu Pays d'Auvergne, la radio des supporters de l'ASM. Avec Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet qui sont sur place à l'Allianz Park. Ouais, mais avec un petit tweet là qui nous a pas échappé à la mi-temps, tweet de la boucherie Ovalie, je sais pas si c'est Antoine qui l'a fait, mais qui dit on sait tous qu'il n'y a qu'une seule équipe qui peut perdre le match en ayant démarré aussi fort. Et on sait tous qu'elle est sur le terrain. C'est pas très beau, ça. C'est pas très beau, ça. C'est pas moi. Ah, bon, j'espère. Sinon, t'aurais pris un taquet la semaine prochaine. C'est pour ça que c'est pas moi, j'ai trop peur de toi.